Les pères de l'Église grecque au IVe siècle. Recueil de discours, de lettres et de poésies, avec une notice biographique et littéraire, des appréciations et des notes. Par Eugène Fialon, agrégé de l'Ordre des Lettres et doctoresse lettres, professeur de rhétorique. Belin, 1868. Extrait. Markem Dan Archivorg 2024 d'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique. État de l'Église, l'éducation, l'épiscopat. Constantin Vainqueur, 312, avait mis le christianisme sur le trône. Une ère nouvelle commence. Les chrétiens, encore persécutés la veille, entre au Sénat, gouverne les provinces, commande les armées. Le culte sort des catacombes et paraît au grand jour, les prêtres et les évêques sont honorés, exemptés des charges publiques et obtiennent une juridiction particulière. Enfin, ce qui est plus important, l'esprit du christianisme pénètre dans la société, et fait entrer avec lui un peu de miséricorde dans les cours, un peu d'humanité dans les lois. Grâce au loisir de la paix, une littérature nouvelle grandit et se développe. Aux évêques confesseurs succèdent les grands théologiens, les orateurs éloquents. Confère, Monsieur Paul Albert, Saint-Jean Chrysostome considéré comme orateur populaire. Les lettres grecques renaissent, pendant que la raison, voulant tout expliquer, enfante des hérésies, de puissants génies, alliant dans une sage mesure la foi et la réflexion, lutte contre ses excès avec ses propres armes. L'éloquence passionne ses débats et fait entendre, dans les chairs chrétiennes, des accents dignes des Démosthènes et des Platons. L'Église accueille, en le transformant, tout ce qui est grand et beau. Loin de rejeter les arts de la Grèce, elle les revendique et s'en fait une riche parure. L'éloquence est pour elle un héritage longtemps improductif qu'elle rend à son ancienne prospérité. Voyez notre étude historique et littéraire sur Saint Basile. L'originalité des pères de l'Église grecque, au IVe siècle, et d'avoir su allier dans une parfaite mesure les arts et les sciences de la Grèce avec la foi chrétienne. L'esprit nouveau, qui provenait de cette alliance, était dû à la double éducation que recevait la jeunesse, d'un côté, dans la famille, dans l'église et dans la solitude, et de l'autre, dans les écoles des grammairiens, des rhéteurs et des philosophes. L'Église préparait les théologiens et les grands évêques, l'école, les penseurs et les grands orateurs. L'éducation religieuse commençait dès le berceau pour se continuer, sans être interrompue par les études profanes, au foyer paternel ou dans les écoles des catéchumènes, jusqu'à l'âge d'homme. Dans les écoles des grammairiens, la jeunesse apprenait à écrire sa langue, la langue grecque, lisait les historiens, expliquait les poètes, puis, munie de ce premier bagage littéraire, elle allait dans les grands centres, à Antioche, à Constantinople, mais surtout à Alexandrie et à Athènes, étudier l'éloquence et la philosophie. Les sophistes, les himères, les pro-hérèses, les Libanius, les maîtres des Julien, des Basile et des Chrysostomes, enseignent l'éloquence, les philosophes, les disciples des grands néoplatoniciens du premier siècle, enseignent le grand tout, l'être, c'est-à-dire Dieu, le monde et l'homme. Quel était l'effet de cette éducation élégantaire réfléchie sur les vives et riches natures de l'Orient? Il semble que Lucien a voulu le décrire dans une piquante anecdote. Un homme opulent et fastueux, un oriental sans doute, vint à Athènes, où il se rendait insupportable par la multitude de son cortège, la bigarrure de ses habits et tout son or. Ce pauvre homme voulait passer pour heureux, il fit pitié aux Athéniens qui entreprirent de faire son éducation. Leurs fines plaisanteries, leur exemple surtout, le débarrassèrent peu à peu de cette armée d'esclaves qu'il traînait sur les places et dans les bains, lui enlevèrent ses robes de pourpre, firent tomber de ses doigts cette multitude de bagues. Il s'en retourna parfait et accompli, grâce aux leçons de ce peuple spirituel. À son exemple, les Basiles, les Grégoires, les Chrysostomes vont se corriger à Athènes ou à Antioche de la pompe et de l'emphase du langage oriental, de cet amas fastueux de figures et de métaphores, des dérèglements de l'imagination asiatique. S'ils n'ont pas tout à fait renoncé aux couleurs éclatantes, s'ils gardent un peu de leur or et de leur diamant, si des fleurs brillent encore sur leur robe, du moins, ils les portent avec goût, et ont, sous ces restes de luxe oriental, l'aisance et la grâce athénienne. Études historiques et littéraires sur Saint Basile. En revenant d'Athènes ou d'Alexandrie, un jeune homme voyait s'ouvrir devant lui toutes les carrières libérales. Mais pour ceux qui devaient se consacrer à l'Église, ces laborieuses études n'étaient que le prélude d'études plus laborieuses encore. La solitude les attendait, et là commençait pour eux une nouvelle éducation, l'éducation religieuse, la contrepartie d'Athènes. Ils se passionnaient pour l'étude des saintes lettres. Platon, Aristote et Plotin les avaient dirigés dans la philosophie profane, ils avaient pour guide dans la philosophie religieuse les anciens commentateurs de l'Écriture, le savant Eusèbe et surtout Origène, alors l'oracle de la théologie. Sans oublier ce qu'ils avaient appris à Athènes, ils vivaient avec Moïse, Élie et autres bienheureux, qui leur enseignait la vérité dans une langue barbare. Saint Basile, lettre 339. L'Évangile leur servait d'introducteur pour pénétrer le véritable sens des prophètes, la méditation des prophètes leur faisait entendre les mystères de l'Évangile, et cette double étude les élevait à l'intelligence pure et nette du souverain roi de l'univers. Amphiloctius, deuxième homélie. Telle fut l'éducation d'Athanase, de Basile, de Grégoire de Nazianze et de Chrysostome. Elle les prenait au berceau pour les déposer sur les degrés du trône épiscopal. 30 ans d'études préparaient à peine à 20 ans de travaux, car les rigueurs de l'ascétisme, les fatigues de l'épiscopat, les luttes religieuses, épuisait vite ses laborieuses existences, mais aussi avec quelle fécondité, quelle vigueur de pensée, quelle maturité de jugement défendaient-ils, dans leurs écrits, la cause à laquelle ils avaient voué leur vie. Études historiques et littéraires sur Saint Basile. Dans l'âge des persécutions, le rôle de l'évêque était simple, instruire les fidèles, soutenir leur courage, les exhorter à mourir, mourir lui-même, telle était la tâche que l'Église imposait à ceux qu'elle chargeait du soin de ses destinées ici-bas. Les choses étaient changées. L'épiscopat était le vrai consulat du IVe siècle. Il donnait gloire et puissance, et élevait l'élu de l'Église bien au-dessus des magistrats civils. Aussi, au grand désespoir de Grégoire de Nazianze, était-il devenu l'objet de toutes les convoitises, le but de toutes les ambitions. Aujourd'hui, dit-il, la plus sainte des fonctions court le risque d'exciter le plus de dérision. Ce n'est pas la vertu, c'est l'intrigue qui mène à l'épiscopat. Les trônes ne sont pas aux plus dignes, mais aux plus puissants. On ne voudrait pas d'un médecin qui ignorât la nature des maladies, mais on trouve facilement un évêque. Point de peine, on l'improvise, il naît tout d'un coup, comme les géants de la fable. Nous faisons les saints en un jour, et nous leur ordonnons d'être savants, à eux qui ne savent rien et qui, pour mériter le sacerdoce, se sont donné la peine de le vouloir. Saint Grégoire de Nazianze, tome 1er. Ces évêques, amis de la cour plus que du peuple, n'étaient pas les seuls élus. À côté d'eux, il s'en élevait d'autres, austères, indépendants, tendres aux petits, durs aux grands, sans pitié pour les excès des puissants, pour les vices du clergé, confère Monsieur Paul Albert Saint Jean Chrysostome. Désormais l'évêque digne de ce nom ne devait pas seulement être un interprète de la divine parole, mais encore un consolateur, un protecteur. Il devait éclairer son peuple contre ses passions et les hérésies, le défendre contre un pouvoir oppresseur et un clergé corrompu. L'Église, dit Monsieur Paul Albert, fut fidèle à la mission qu'elle avait reçue de son divin fondateur, et, sans ébranler les trônes, ne trompa point les ardentes espérances des faibles et des déshérités.